croire aux choses invraisemblables. Je rêve de ta voisin franchissable qui m'aime si me inviolable. Je sais, il pourrait m'en cuire puisque je refuse de vieillir et que je préfère rire du passé comme de l'avenir. Un obsessionné, acharné à la perdurer, car la perpétuer, et qui espère mes merveilles, qui feinte qu'il n'y a aucun passe, ce qui dans la vie l'embarrasse. Je suis un pouce mégo, un sang grave, qui a des rêves qui en uniformes incroyables, l'homme annonce mon formidable. Il n'est pas d'issue que je sache, puisque les ténèbres sont en marche. Il faut faire preuve de panache, refuser de devenir lâche. Un obsessionné, acharné, et qui espère nous aimer, qui peint, qui nous, qui fasse ce qui dans la vie l'embarrasse. This is